koni se yon ti fi kon vivli kon jan boul boule aven. Plen te fek remen nou ta vivo san fiskas kon voyaje. Ou li a la vi vin chanje, a monis la gen mwen an lo. Si se pat do la ta jwen a monis fiskas kon mouni. Ma priye bon die pou li ramase la tribulasyon. Ma chère, c'est pour ma vie, ta chérie. Frère, diable, mais déjà.